3. 1. Salut, je m'appelle Caroline. Je travaille énormément, je suis pharmacienne et mes horaires sont assez compliqués. Je suis très fatiguée et je souffre de stress. Le médecin m'a conseillé de prendre quelques jours de vacances, de dormir plus et de penser moins au travail surtout. 2. Bonjour, je suis Sylvie et je suis une jeune maman. J'ai un bébé de 4 mois et mon problème, c'est que je n'arrive pas à perdre les kilos de la grossesse. On me dit que je dois manger mieux, manger plus de légumes, faire plus d'exercices, mais c'est difficile avec un bébé. 3. Moi, c'est Christophe. Je suis à la retraite depuis 6 mois et l'activité me manque. J'ai peur de perdre la forme. Mais à Dunkerque, le temps est toujours mauvais. Et à mon âge, je ne sais pas quoi faire. Ma fille m'encourage à m'inscrire à un cours de sport pour personnes âgées. Elle me dit aussi qu'en ville, je peux me déplacer toujours à pied. Bon, elle a raison. 4. Beaucoup de patients viennent me voir. Ils ont toujours le même problème. Ils ont mal au dos ou ils veulent perdre du poids. Et moi, je réponds toujours la même chose. Abandonnez votre vie sédentaire. Faites de la natation, mangez plus de fruits et de légumes. Mais ils n'ont jamais le temps. C'est le problème aujourd'hui. Personne n'a le temps de se soigner. Ils doivent aussi garder du temps pour eux et pas seulement pour travailler et voir la télé.